Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui nous n'allons pas parler littérature classique ou littérature contemporaine, mais nous allons parler science avec Antoine Guiton. Bonjour Antoine. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios de Fadjet pour un Caprice de lecture un peu spécial. Alors Antoine, tu as écrit deux... Alors est-ce qu'on appelle ça des livres de vulgarisation ou est-ce qu'on appelle ça de la simplification de la science ? Ah, c'est une excellente question parce que effectivement le terme de vulgarisation il peut être un petit peu galvaudé en France. Oui. Et simplification, j'aime assez bien. Alors voilà, on part sur simplification. C'est vrai, c'est très bien. Qui s'appelle Science en quatre saisons, donc on a l'automne et l'hiver. Ce sont des formats en plus hyper accessibles qu'on peut même glisser dans un sac. Et du coup, moi, je vais te poser quelques questions justement autour de ces deux livres. Alors Antoine, tu as un cursus assez impressionnant. Tu es professeur des universités en physique des matériaux qui porte sur les défauts micro et nanostructuraux et leur influence sur les propriétés des matériaux. Alors s'il te plaît, peux-tu simplifier ? Oui, alors. Oui, il n'y a pas de problème, je vais simplifier. Alors, les matériaux, c'est un peu comme nous, les humains. C'est nos défauts qui nous donnent notre richesse. OK. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer de savoir comment les défauts à l'intérieur des matériaux, les défauts entre les atomes, par exemple, les atomes se tiennent la main. Puis parfois, les liaisons entre les atomes sont cassées. Donc, on appelle ça des défauts cristallins. Et bien, comment ces défauts influent sur les propriétés physiques des matériaux. Donc, par exemple, les propriétés de déformabilité des matériaux, comme un matériau se déforme, on appelle ça les propriétés mécaniques. D'accord. Les propriétés de stockage de l'hydrogène et également les propriétés électriques. OK. Alors, tu as donc ce que je disais, un CV et des connaissances assez incroyables. Et puis, tu as eu envie de rendre la science plus accessible. Oui, on va dire, pas au commun des mortels, ça fait quelque chose d'un peu péjoratif, mais plutôt, on va dire, des populations ou des personnes qui ne sont pas familières justement de tous ces termes peut-être un peu plus scientifiques. Mais comment t'es venue cette idée ? C'est-à-dire, est-ce que t'as quelqu'un un jour qui t'a dit « Mais Antoine, je comprends rien à ce que tu me racontes, je pense que ça a pu arriver ?» Alors oui, ma famille par exemple. On comprend rien. Ou alors est-ce que tu as, je sais pas, en discutant peut-être avec des personnes, tu t'es dit « Mais tiens, en fait, ce serait pas mal en fait de simplifier des choses qui peuvent paraître hyper complexes. » Alors mes premières actions de vulgarisation, ça remonte pendant ma thèse. D'accord. Parce que ça fait partie des statuts des enseignants-chercheurs et des chercheurs. D'accord. De communiquer sur la recherche que l'on fait et les retombées qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours. Ok. Parce que moi, je pars du principe que, en tant que chercheur, on veut changer le monde par nos recherches, mais il est quand même de notre responsabilité d'expliquer comment on le fait. Ouais. Donc pendant ma thèse, on faisait la fête de la science notamment, on faisait des visites dans les laboratoires, on avait un stand, alors j'ai fait ma thèse à Poitiers, donc on avait un stand sur une place de Poitiers où on faisait des petites expériences. Et donc ça, c'était à destination de tous les publics. Exactement, les gens s'arrêtaient dans la rue, il y avait un chapiteau, les gens s'arrêtaient, il y avait tous les laboratoires de l'université de Poitiers, et nous on faisait par exemple, on avait construit un petit train sur sustentation magnétique, où le train il volait au-dessus des rails. Donc c'était assez impressionnant, donc on avait beaucoup de succès. Et puis j'imagine la tête des enfants qui devait être... Oui, surtout qu'il y avait de l'azote liquide, donc ça faisait de la fumée. Ah oui, alors là c'était succès assuré. Succès assuré, il y avait énormément de monde. Et après j'ai continué quelques actions de vulgarisation, et une fois arrivé à l'université de Lorraine, on m'avait proposé de faire un séminaire à l'IUT de Metz, au département mesures physiques, autour de mes thématiques de recherche. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, j'ai continué à développer ce séminaire, à le faire dans les collèges et les lycées. Okay. C'était centré autour de la physique des matériaux avec le Seigneur des Anneaux. OK. Voilà. D'accord. Et Game of Thrones également. D'accord. Donc, j'ai remis un petit peu au goût du jour parce que c'est quand même un petit peu daté maintenant, Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux. Oui. Et donc, maintenant, je fais à peu près la même chose. Et c'est sauver le monde avec la science des matériaux. Super. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est l'objet de ma deuxième question, en fait. Comment on devient passionné des défauts micro et nanostructuraux et de leur influence ? Comment ça t'est venu ? Parce que moi, je me dis, je suis une passionnée de lecture, tout ça, voilà, mais c'est très commun, tu vois. Mais à un moment, tu fais tes études, tout ça, tu fais collège, lycée, tu vas à la fac, etc. Puis un jour, tu dis, tiens, je vais étudier les défauts. Alors, On n'est pas passionné par les défauts. Ouais. Parce que on sent que t'aimes bien. En plus, t'es communicant. T'aimes bien communiquer. T'aimes bien que les gens en face comprennent ce que tu dis. Quand tu vas en collège, lycée, pour toi, c'est important. Et voilà, d'où vient cette passion? Alors, c'est plutôt une passion générale pour les sciences, essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. D'accord. Et après, au fur et à mesure des études, quand j'ai fait mes études, le laboratoire dans lequel... Parce que c'est une spécialité. Oui, c'est ça. Voilà, le laboratoire dans lequel j'ai fait mon master et ma thèse était spécialisé dans cette thématique-là. Ouais. Et donc après, j'ai continué naturellement sur la thématique du laboratoire dans lequel j'ai fait mes études. D'accord. Mais si demain, tu voulais changer, tu pourrais ? Alors... Moi, ça m'intrigue, ça. Pour moi, c'est des trucs un peu mystérieux, tu sais. C'est l'avantage du système français au niveau de la recherche. On est libre de travailler sur ce que l'on veut, moyennant de trouver des financements. OK. Voilà. C'est toujours la clé. Voilà, il ne faut pas se le cacher. Mais pour faire de la recherche fondamentale, on peut s'orienter plus ou moins sur une voie, sur une autre. C'est tellement large qu'on peut balayer énormément de choses et on ne s'ennuie jamais. Et alors, imaginons, demain, tu veux changer, ce serait quoi pour toi? Si tu avais une autre marotte, entre guillemets, tu vois, si tu avais une autre passion. Autour de la recherche? Ouais. Par exemple, je suis un passionné également d'histoire. Et s'il y a des collègues, d'ailleurs, historiens, qui ont besoin d'avoir des informations sur les procédés d'élaboration, par exemple d'une épée, ce genre de choses. D'accord. Et on peut combiner nos expertises pour aller essayer de résoudre ces mystères. J'ai vu quelques collègues le faire. Toi, ça te plairait bien? Oui, ça me plairait bien. Oui. Ah, oui. Un exemple que j'ai en tête, c'est dans l'université de Poitiers où j'ai fait ma thèse, il y a un chercheur qui a découvert l'être le pluricellulaire, le plus vieux. Ok. Et il avait fait des expériences avec des collègues en sciences des matériaux sur des rayonnements avec des rayons X pour essayer de comprendre comment caractériser ces petites huîtres. Et c'est en fait ça qui est intéressant, je trouve, c'est que une fois que tu es dans une, on va dire, une branche de recherche, tu n'es pas fermé à vie. Dans cette branche, tu peux aussi faire, pour faire de la recherche fondamentale, tu peux faire d'autres choses. Oui, il faut évoluer. La recherche est un monde en constante évolution, donc il faut être attentif aux effets de mode, mais pas trop. Il y a un proverbe que j'aime bien, c'est « être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte ». Ça, c'est chouette. Voilà. Je ne sais plus de qui c'est. Oui, mais ça, ça me plaît. Voilà, j'aurais dû réviser avant de te le dire, mais je ne me souviens plus. Ça, c'est chouette. Mais il faut quand même toujours essayer de voir qu'est-ce qui peut être porteur, et essayer d'anticiper qu'est-ce qui va être porteur dans les prochaines années, et peut-être même après nous. Oui. Et donc, on peut comme ça tester des petites pistes. Et puis après, si on voit que ça ne marche pas, on peut aller faire autre chose. Ouais, ça, et puis c'est on bien. Peut naviguer comme ça. Peut-être que ce qu'il faut en tout premier, c'est être passionné. Exactement. C'est essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les choses et essayer d'expliquer. Alors justement, et on fera la coupure musicale après, dans Science en 4 saisons, automne, hiver, moi, il y a une question qui est soulevée, mais que j'adore. C'est « Vaut-il mieux courir ou marcher sous la pluie pour éviter d'être mouillé ?» Celle-là, elle me plaît, mais c'est ma préférée. Pourquoi, une autre aussi, pourquoi la coquille d'un œuf casse-t-elle quand on la met dans l'eau bouillante? Parce que moi, à chaque fois que je fais des œufs durs, la coquille, elle se casse. Eh ben, moi aussi. Et voilà. Pourtant, je connais la réponse, mais moi aussi, ça m'arrive à chaque fois. Tout le temps. Aussi, alors très intéressant aussi pour la nutrition, vaut-il mieux presser son jus d'orange ou l'acheter en bouteille? Oui, alors ça, on l'entend pas mal de fois sur les médias, que le jus d'orange, c'est bon pour la santé. Non, parce que la vitamine C, ça se dégrade. Très vite. Très, très vite. Et on a aussi, donc toujours dans automne, pourquoi les feuilles des arbres deviennent-elles marron en automne? Exactement. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et pour le volume du printemps, il y aura pourquoi les feuilles des arbres sont vertes. Ça, c'est super. Alors, on va faire une première coupure musicale avec Adèle, Rolling in the Deep. Pourquoi ce choix, Antoine? Parce que j'aime bien. Voilà. Ça pète. T'aimes bien l'écouter? Ouais, j'aime bien. Ok. Et puis, on se retrouve juste après. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky Prise de lecture sur Fadjet. Deuxième partie de ces caprices de lecture, on va dire scientifiques, aujourd'hui, toujours avec Antoine Guiton. Donc pour ces deux ouvrages Science en quatre saisons, donc un pour l'automne et un pour l'hiver. Est-ce que ça va, Antoine ? Oui, très bien. Merci. Bon, bah alors super. Antoine, tu as collaboré avec Florian Lamousse donc pour illustrer ces deux ouvrages. Comment vous vous êtes rencontrés ? Et puis, comment vos atomes se sont rencontrés pour faire ces livrets de vulgarisation ou de simplification? Alors, je vais expliquer l'origine de ces livres. Ouais. Donc, initialement, je fais des chroniques de vulgarisation sur l'antenne de France Bleu tous les samedis et dimanches. Oui. Ça dure à peu près 2-3 minutes. Ça s'appelle La Lorraine des sciences. Et au cours d'une discussion avec un collègue, il m'avait suggéré d'essayer de les mettre par écrit. Alors, je lui avais dit non, ça ne va intéresser personne. Puis, j'ai quand même gardé ça en tête. Après, j'ai contacté l'Université de Lorraine. Ils ont trouvé l'idée assez originale. Et ça a commencé comme ça. C'est l'université qui a pris en charge la recherche d'un illustrateur. Donc, okay. On avait fait passer plusieurs castings. Ouais. Et Florent Lamousse, justement, avait déjà travaillé avec l'université sur d'autres projets. Okay. Et le cahier des charges, c'était de faire des illustrations pas scientifiques sur le sujet de la chronique qui est abordée dans la page juste à côté, mais pas scientifique, et avec un petit côté qui fait un peu sourire sans pour autant être humoristique, mais quand même qui fait un petit peu sourire. Et il a réussi à saisir l'essence de chaque chronique avec un ton un petit peu marrant, et également en alliant son travail d'étudiant, parce qu'il est actuellement étudiant à Bruxelles. Okay. Donc il a su manager sa vie d'étudiante, son travail d'étudiant et également la mise en œuvre de ce premier livre et du second également. Parce que toi, tu avais écrit, on va dire, les chroniques, on peut appeler ça une chronique ou une explication. Est-ce qu'il te soumettait les dessins à chaque fois ou est-ce que ça a été une autre organisation en fait ? Alors, oui et non. On se réunissait toutes les semaines avec l'université, Florian et moi. Et on échangeait nos idées sur les différentes illustrations. Donc, il faisait par exemple une première proposition. Puis après, on lui disait « Ah non, mais pas comme ça, plutôt comme ça. » D'accord. Ou « Moi, j'ai une autre idée. » Donc, je ne sais plus qui a l'idée originale de chaque illustration, mais on va dire que c'est un petit peu tout le monde. Okay. Et un petit exemple sur le bouquin « Hiver », il y a une chronique qui parle sur comment fonctionnent les piles. Oui. Bah, l'illustration, c'est une petite histoire que je racontais à l'une de mes nièces quand elle était petite. Pour expliquer comment fonctionnent les piles, je lui ai dit que c'était des petits lutins qui faisaient du vélo à l'intérieur. Mais donc, qu'est-ce que tu leur mets dans la tête? Alors, je ne dirai pas à l'antenne combien de temps elle a gardé ça en tête. C'était assez long. Et donc, naturellement, l'illustration, c'est, voilà, c'est une pile où on voit à l'intérieur. Mais que t'ont fait ton frère ou ta sœur pour que tu leur fasses subir des choses comme ça? Bon, j'ai fait pire. Ah d'accord. Là, il y a par exemple, je tombe sur une au hasard, chocolat noir ou chocolat au lait, lequel des deux est le plus fragile? Alors, moi, j'ai lu les deux tomes, automne et hiver. Et en fait, quand j'ai lu la question, je me suis dit, bah, il suffit de les manger. Moi, je suis d'une gourmandise, pas possible. Donc, je me suis dit, bah, c'est en mangeant qu'on découvre. Et en fait, non, pas du tout. On apprend plein d'autres choses. Oui, oui, effectivement, sur le chocolat, moi aussi j'aime bien le chocolat. J'aime bien aussi le chocolat blanc. Alors que, ah oui, bah oui. Peut-être faudrait que j'ai un jour que je le mette dans une chronique. La Rolls du chocolat, le chocolat blanc. Mais du coup, si tu as le projet d'écrire d'autres, alors faire printemps et été, on verra ça un peu plus tard, est-ce que la collaboration avec Florian Lamousse va se poursuivre? Ah bah oui, j'aimerais bien, ouais, parce que son style est vraiment bien. Oui. Et bah, s'il est d'accord pour continuer, si l'université est d'accord pour continuer de collaborer avec lui, bah, moi je vois pas. Moi, je trouve que les dessins peuvent faire pour des enfants comme pour des adultes. C'est ça que je. Il est intergénérationnel. Le dessin de Florian Lamousse, je trouve, est intergénérationnel. Oui, on peut dire il ça. Est pas, il n'est pas trop ludique, on va dire, pour des tout petits, et il n'est pas trop sérieux, entre guillemets. J'aime bien, effectivement, je suis d'accord avec toi, le juste équilibre a été trouvé. Exactement, et ça donne envie de lire la réponse à la question en plus. Voilà. Voilà. Et alors, il faut quand même le dire, les réponses aux questions, il n'y a pas d'équation dedans. Oui, merci. Voilà. Il y en a une à un endroit, mais et c'est quand, particulier. Et quand il y a un terme un peu plus élaboré, on va dire scientifiquement, il est parfaitement bien simplifié, entre parenthèses, juste à côté. Ben voilà, j'ai essayé c'est de faire très ça. Bien. Et alors, c'est pour ne pas trahir la vérité. Quand on fait de la vulgarisation, on ne peut pas parfois utiliser tout le temps les bons termes scientifiques. Oui. Donc, il faut expliquer le concept et prendre quelques petites licences de vulgarisation. Oui. Comme mais franchement, ça, sans trahir la vérité scientifique. Alors, les étudiants que tu croises et qui ont vu ces livres-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, quand je dis les étudiants, ça peut être alors effectivement des étudiants, mais pourquoi pas aussi des membres de ta famille, des amis. Voilà, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, ben, ma famille a bien aimé, hein, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, mais ils te comprennent. Bah, non, ça y est. Oui et non, oui et non, oui et non. Je me souviens une anecdote. J'avais expliqué à ma belle-sœur que je faisais ce qui s'appelle une technique qui s'appelle la nano-indentation. Donc, je lui avais expliqué qu'on prend une petite pointe et on fait des petites empreintes à l'intérieur en forme triangulaire. Et elle me dit, ouais, ben, en gros, tu fais des trous. Oui, bah c'est ça, mais il est tout petit. C'est pourtant clair. Voilà, donc là, ils ont peut-être un peu mieux compris sur quoi je travaillais. Et bon, même si toutes les chroniques ne sont pas le reflet de mes thématiques de recherche. Oui, bien sûr. Et alors, pour les étudiants, bah j'espère que ça leur a plu, mais j'évite d'en faire la pub quand même à l'université. Mm-hmm. Je pense que les exemplaires sont dans toutes les BU de l'Université de Lorraine. OK. Donc, bah, j'espère qu'ils le liront. Mais s'ils me le disent, je leur rajoute un point. Bon, message passé. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale de ton choix, Antoine. C'est Amy Winehouse pour Back to Black. Pourquoi ce choix? Parce que j'aime bien aussi. Parce que t'aimes bien. Voilà, comme Adèle. Et on se retrouve juste après pour ton caprice de lecture. Shame, oh, shame, babe. Prise de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission avec les sciences et avec Antoine Guiton qui va nous faire part de son caprice de lecture. Antoine, c'est à toi. Un scientifique qui parle littérature. Ça m'était jamais arrivé. Bah si, c'est possible. Hein. Et bah, c'est possible. Allez, vas-y. Alors moi, je suis un grand fan de mythologie gréco-romaine. Ok. Et donc, mon caprice de lecture, c'est peut-être l'une des plus vieilles œuvres qui existent, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ouais. Voilà. Bah, j'adore ce bouquin, je l'ai lu D'accord. plusieurs fois, en cours même, oui. parce que j'ai fait latin jusqu'en terminale. Ouais. Donc ça faisait partie des lectures, et notamment avec l'Énéide, mais j'ai mieux aimé l'Iliade et l'Odyssée, ouais. et que j'ai relu il y a peut-être 2-3 ans. Ah oui, donc tu y reviens en plus, ah t'aimes oui, bien. J'aime bien. Ah oui, oui, oui, parce okay. que c'est le mythe... pour moi, c'est le livre fondateur de la civilisation moderne. Okay. Tout le monde connaît les histoires d'Ulysse, le cheval de Troie. Oui. Voilà, c'est même devenu un cheval de Troie, c'est quand même un mot dans le oui, langage courant. Le style d'écriture qui n'est pas très pompeux. Mais qui est quand même... Un peu pompeux. Un peu pompeux, mais qui a une qualité qu'on a perdue. Aujourd'hui, il y a une telle production littéraire ouais. qu'on perd un petit peu ce côté un peu... Il y a quelques mots, on va pas dire surannés, mais un peu plus évolués, entre guillemets, qu'on n'utilise plus du tout, qui disparaissent, et c'est dommage. Parce que... Et aussi, j'ai trouvé l'Iliade et l'Odyssée plus accessible que Racine, Britannicus. Ouais. Enfin, j'aime bien ça, je l'avais lu, je ne sais plus en quelle classe... Bon. J'aimais bien l'histoire, ouais. mais le style était quand même pas très abordable, mais que j'ai relu depuis et que maintenant j'ai un petit peu mieux compris. Est-ce que quelquefois on nous fait pas lire des livres à une période de notre vie, je pense essentiellement aux années collège-lycée, où on n'est pas forcément prêt parce qu'on n'a pas la maturité, tout simplement. Oui, oui. Et oui, quelquefois quand on les relit 5, 6, même 10 ans après, on se dit mais en fait c'est génial. Alors moi j'avais beaucoup de mal à faire de la lecture forcée quand j'étais au ouais. collège et lycée. Je me souviens d'un livre en 6e, je ne donnerai pas le titre, le nom de l'auteur, mais je m'en souviens parfaitement. Il m'est tombé des mains, impossible de le finir. Ah oui, c'était pas possible. Voilà. Ah oui. Et j'ai eu une mauvaise note quand on avait fait le C'est des le choses contrôle. Qui arrivent. Il était imbuvable, oui. mal écrit. Défaut d'orthographe, mais c'était voulu, parce que c'était le journal intime d'une collégienne. Oui, c'était... oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui, de Queneau, Raymond Queneau. je crois. Ah non, non. C'était pas que nous. Non, non, non, non. Non, je m'en souviens. C'était pas assis dans le métro. Non, non, non. Ah c'est... bon. On peut dire les petites. C'est pas ça. Demain matin, la même heure. À pas trouver. Parce que c'est un livre assez récent et j'ai eu beaucoup. Je l'ai jamais terminé. Bon bah voilà. Et l'Iliade et l'Odyssée, voilà, j'adore ça, j'adore. Tu as trouvé chaussures à ton pied avec l'Iliade et l'Odyssée. Exactement. Bon bah alors super. Ton actualité littéraire, est-ce que on va avoir la science en quatre saisons sur les deux saisons qui nous manquent ou pas? Eh ben, l'éditeur a été très malin en appelant le titre de la collection La science en quatre saisons. Et oui. Pour le moment, il y en a deux. Et puis on a automne, hiver. Alors moi j'attends. Voilà, avec grande impatience. Je fais un appel du pied à l'Université de Lorraine. Je peux joindre mon pied au tien, parce que c'est franchement très bien. Okay. Et donc, bah, j'espère qu'on fera les volumes printemps et les volumes été. Okay. Les saisons hiver et été sont assez faciles parce qu'elles sont très marquées. Ouais. Donc, les chroniques sont très facilement... ouais, on peut les sélectionner très facilement. J'en D'accord. ai à peu près 300. On va dire ta matière oui, à, là, à faire. Il y a matière. Okay. Par contre, automne et printemps, c'est peut-être pas pareil. Automne et printemps, c'est plus difficile parce que... Par exemple, quand il pleut, est-ce que c'est le printemps, est-ce que c'est l'automne ou est-ce que c'est l'hiver? C'est assez compliqué. Mais bon, là aussi, il y a matière. Tu peux quand même faire. Ouais, okay. T'as pas envie d'écrire un roman? Si. Ah. Si. Ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Je suis fan également de science-fiction. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal à m'intéresser aux bouquins de science-fiction. Parce que soit je trouve la fin rapidement, ou quand il y a du suspense, je ne supporte pas le suspense, ça m'énerve. Par exemple, quand Harry Potter, le dernier, est sorti, la première chose que j'ai fait, je suis allé lire le dernier chapitre pour voir s'il mourait. Ok. Voilà. Et après, j'ai compris pourquoi je fais ça, parce qu'en recherche, on fait beaucoup d'écriture et de lecture. Ouais. Et quand on écrit un projet, la première chose qu'on doit mettre, c'est ce projet nous permet de répondre à cette question. Donc, on enlève le suspense. Et tu gardes cette même construction quand tu écris ou quand tu lis quelque chose Exactement. À suspense. Mais ça, je l'ai compris que la semaine dernière. T'as bien fait de passer, du coup, la caprice de lecture. Exactement. C'était justement cette réflexion-là m'a permis. D'accord. Voilà. Et donc, les romans, moi, j'aimerais bien essayer d'en faire un. Et également, ce que j'aimerais faire, c'est un bouquin de vulgarisation sur ma thématique de recherche, parce qu'il n'y en a pas. Ok. Donc, beaucoup de projets. Ouais, alors, c'est des projets, Ouais, mais ça va aboutir. Je sais pas. C'est une question de temps. Ah voilà. Bon, peut-être avant ma retraite. Tu reviendras nous en parler. Oui, en plus, j'ai peut-être un titre pour celui sur ma thématique de vulgarisation. Bon, bah voilà. Thématique. Ça s'appellerait le syndrome de la grenouille. Bon, bah, on a déjà le titre. Donc ce serait parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les pages. Antoine, sur les réseaux, alors tu as un site internet. Oui. Qui s'appelle Antoine Guiton, il suffit de taper mon nom sur les moteurs de recherche, okay. On arrive à le trouver. Voilà. Et tu m'avais dit LinkedIn. Oui, ça j'utilise pas mal. D'accord. Je suis également présent sur Twitter, X maintenant, mais un petit peu moins présent. LinkedIn, est-ce qu'on peut retrouver un petit peu Science en 4 saisons ou c'est vraiment purement professionnel ou C'est assez professionnel. Ouais. Quand je fais des manifestations de vulgarisation, généralement, d'accord. Je mets des photos ou ce genre de choses. S'il y a des lecteurs de Science en 4 saisons qui veulent te poser une question, ils peuvent... Par exemple, sur ils peuvent LinkedIn? Aller sur LinkedIn, un message privé ou directement sur mon adresse mail professionnelle. Elle est facilement trouvable sur Internet. Super, merci beaucoup Antoine, j'ai compris plein de choses maintenant. Merci beaucoup. C'était super chouette, à très bientôt, au revoir. Au revoir.